Ce panneau indique que l'accès de la chaussée est interdit aux véhicules pesant sur un essieu plus de 2 tonnes.